إذاعة البيان. لا راديو ديال البيان vous présente. رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا. Une série de rappels en langue française ayant pour titre série d'exhortations tirées de la vie du noble prophète et de ses compagnons. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce soir on se retrouve pour le troisième rappel qui concerne la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. On est toujours dans l'introduction, le long préambule que nous avions entamé et qui avait pour but de citer les bienfaits et les bénéfices qu'il y a à étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions cité deux points. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, on va évoquer le troisième point, qui est le fait de suivre la voie empruntée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant nous, tout en s'écartant des chemins tracés par Shaitan. Et ceci, car les compagnons sont d'excellents exemples pour nous dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans leur suivi scrupuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de preuves du Coran et de la Sunna indiquant l'obligation pour le musulman de suivre la voie des compagnons. Et ceci, car ils sont un peuple satisfait de leur Seigneur et dont le Seigneur est satisfait. Allah azza wa jal nous dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les tout premiers croyants, parmi les immigrés, donc les muhajirin, et les ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans le bon comportement, Allah les agrée et eux l'agréent. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et voilà l'énorme succès. A contrario, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde sur le fait de s'écarter de leur voie lorsqu'il dit: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et suit un sentier autre que celui des croyants. Quelle est sa fin, celui-là? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Alors, nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il menace clairement celui qui se détourne de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Mais il y a un verset qui est très important concernant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui montre clairement que celui qui prétend aimer Allah azza wa jal, il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, il permet de sonder le véritable amour que la personne elle prétend éprouver pour Allah. Car tu vois beaucoup de gens qui se réclament de l'islam aujourd'hui, ils prétendent aimer Allah azza wa jal. Et si tu venais les voir et tu leur disais: est-ce que tu aimes vraiment Allah? Peut-être il va s'offusquer, il va s'énerver, il va te dire: pourquoi tu me poses cette question? Eh bien tu lui réponds: parce que je vois que tu ne suis pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu le vois, tu vois aucun signe qui fait de lui un musulman. Quand tu le vois, tu as l'impression même que c'est un mécréant, malgré qu'il soit arabe ou autre. Et en parlant de ça, un jour j'étais dans ce grand supermarché réservé à ceux qui font du commerce, donc ils appellent métro, avec un frère. Et on avait acheté pour son magasin des boissons qui font l'objet de boycott, donc une boisson très connue. Et il y a deux personnes d'origine arabe qui sont venues en costard, aucune apparence de musulman, aucune sodna. Et un d'eux me dit: salam alaikum. Je lui réponds: wa alaikum salam wa rahmatullah. Il me dit quoi? Il me dit: dis-moi, vous boycottez pas encore cette boisson? Nous, ça fait déjà au moins 2 ans qu'on la boycotte. Donc vu leur apparence, il était clair que c'était donc deux personnes qui faisaient partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, les frères musulmans. Donc il m'a vu en camis avec la barbe et le frère pareil, il a voulu nous jeter un petit pic, nous qui nous réclamons de la sunna. Alors, vous boycottez pas cette boisson? Je lui ai dit: d'accord, ça fait 2 ans que tu boycottes cette boisson, mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu boycottes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, ils se sont regardés et ils n'ont pas répondu. Et ils sont partis à la caisse et ils ont fini ce qu'ils avaient à faire. Pourquoi ? Parce que les gens aujourd'hui, ils prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'essayent pas de lui ressembler. Pourtant, tu vois les fans des joueurs de foot, les fans des acteurs. Regarde-les. Un joueur de foot, il va changer de coupe. Tu vas voir les jeunes, ils vont changer de coupe. Tu vas voir une star, elle va se faire des tatouages ou elle va se mettre un blouson en cuir. Eh bien, eux, ils vont se mettre des tatouages et ils vont porter des blousons en cuir. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment ces personnes. Certains même, ils appellent ça leurs idoles, a'oudhu billah. Qu'Allah les ressuscite avec eux. Et eux, ils prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même pas ils essayent de lui ressembler. Ou sinon, ils vont te dire quoi ? La sunna, c'est pas obligatoire de toute façon. Sauf que cette personne qui dit ça, elle a sûrement pas médité le verset que nous allons évoquer, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pourtant de méditer sa parole. Lorsqu'il nous dit dans la sourate Mohammed, verset 24, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cannas sur leur cœur ? Subhanallah, la lecture du Coran, elle suffit pas. Il faut méditer sur ces versets et ensuite pratiquer ce qu'ils contiennent. Et justement, méditons un peu sur le verset qui vient. Allah nous dit dans la sourate de la famille d'Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ibn Kathir, dans son exégèse du Coran, qu'est-ce qu'il nous dit ? هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله. Il dit, ce noble verset permet de juger toute personne qui prétend aimer Allah. وليس هو على الطريقة المحمدية. Alors qu'il n'est pas sur la voie de Mohammed. فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. Il est donc un menteur dans sa prétention concernant cela. C'est-à-dire lorsqu'il prétend aimer Allah Azzawajal. Hatta yattabi'a ash-shar' al-Muhammadi, jusqu'à ce qu'il suive la législation de Muhammad, wad-din an-nabawi, et la religion prophétique, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dans toutes ses paroles et toutes situations. Pour l'anecdote, une fois de plus, un jour, j'étais sur le marché de Trappes à vendre des livres avec un frère que je considère comme l'un des meilleurs prêcheurs en langue française, wala nuzakir al-Allah ahada. Il y a un Tunisien qui est arrivé en costard. Il nous a regardés et devant tout le monde, il nous dit quoi ? Excusez-moi, je peux vous poser une question ? Le frère lui a répondu oui, allez-y. Il a dit pourquoi vous avez la barbe ? Le frère, il a dit je comprends pas la question. Comment ça ? Il a dit je suis musulman. Il a dit oui, t'es musulman, moi aussi je suis musulman. La barbe, elle n'est pas dans le Coran. Pourquoi tu la portes ? Et là, le frère, il lui a répondu quoi ? Il lui a dit vous faites erreur. La barbe, elle est dans le Coran. Et lui a dit « Non, il n'y a aucun verset qui parle de la barbe. » Et le frère il lui a dit « Laisse-moi juste réciter un verset. » Et là, lui a récité le verset qu'on a cité juste avant. « Dis, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. » Il lui a dit donc « Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu le prétends, alors tu vas essayer de lui ressembler. Tu vas laisser pousser la barbe. Tu vas mettre les vêtements qu'il mettait. Tu vas essayer de te comporter comme il se comportait. Avec ta famille, avec tes proches, avec les gens. Etc, etc, etc. Il lui a dit c'est pour ça qu'on porte la barbe. Parce qu'on aime Allah Azza wa Jal et parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est notre modèle. Et là, wallahi, j'ai regardé autour de moi, j'avais pas vu. Tous les gens, ils s'étaient arrêtés. Pourquoi ? Parce que nous, on vendait des livres. Et lui, il nous a interpellés devant tout le monde, super fort. Tout le monde s'est arrêté, tout le monde attendait la réponse. Et là, le frère qui a la récompense, il est venu avec ce verset. Et il est reparti la tête basse, grâce à Allah Azza wa Jal, devant tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu attaquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est notre Seigneur lui-même dans le Coran qui nous demande de la préserver et de la pratiquer. Et donc nous, justement ici, on doit être les premiers à être concernés par ce verset. Je parle bien sûr de ceux qui sont dans l'État islamique. Vu que nous sommes le seul État islamique au monde, pratiquant la loi d'Allah, tous les yeux sont rivés sur nous. Ils nous scrutent, nos moindres faits et gestes. Ils attendent que l'on contredise la religion pour pouvoir se trouver des excuses, pour éviter la hijra, pour éviter le djihad. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit revenir réellement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra, elle suffit pas. Le djihad, non plus il suffit pas. Malgré l'importance de ces deux œuvres dans la religion, wallahi, nous devons aussi pratiquer le maximum de sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comportements qu'il avait. Juste un exemple très simple. Des petites choses de la vie de tous les jours, qu'on a du mal à appliquer. Car nous, on a grandi où ? On a grandi dans des sociétés perverses qui négligent ce genre de détails du bon comportement humain. Par exemple, le fait de demander la permission avant d'entrer chez une personne. Si elle vous donne la permission d'entrer, eh ben tu rentres. Et si elle te dit, rebrouche chemin, tu rebrouches chemin. Combien de nous, on a entendu des histoires. J'en ai entendu une moi-même il n'y a pas longtemps, une personne qui se plaignait, qui disait, ouais, je suis venu chez la personne, j'ai frappé, j'ai pas arrêté de frapper, et il répond pas. Alors que je l'ai vu qu'il est là. J'ai vu la lumière. Il y en a d'autres. Tu réponds pas à la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, et hop, il t'appelle au téléphone. Et puis là non plus, tu réponds pas pour une raison, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le tour de la ville, et il va commencer à te dénigrer. Je suis venu chez lui, j'ai frappé, j'ai vu qu'il y avait la lumière, il répond pas, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, c'est quoi ceci? Eh bien c'est simple, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith ils t'ont permis de faire, c'est-à-dire que si tu es occupé, ou si tu es dans un habit, ou dans une situation qu'il ne te permet pas d'ouvrir la porte, ou que tu n'as pas du tout envie d'ouvrir la porte, quoi qu'il arrive, eh bien il est permis de ne pas ouvrir, et de renvoyer gentiment la personne d'où elle vient. Comme nous l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que nous rapporte Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu an, il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu demandes la permission d'entrer, répète-le 3 fois. Si on te la donne, entre. Sinon, rebrousse chemin. Ce hadith, il est unanimement accordé. Franchement, je te pose une question. Si un frère ou une sœur te dit « reviens plus tard, je suis occupé », comment on réagit, nous? Il y en a beaucoup, mashallah, ils ont acquis ce bon comportement. Ils repartent. Il y en a d'autres, Allah al-Musta'an, on dirait va casser ta porte. Donc des fois, on connaît un hadith, mais on se met en colère. Donc tous les hadiths qu'on lit sur le bon comportement, il faut absolument qu'on les mette en pratique, qu'on ne néglige rien. Et ce rappel, bien sûr, il est en premier pour moi avant tout. Donc pour revenir au verset, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Je disais que quand tu regardes les gens aujourd'hui par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apparence, il n'y a plus de sunna. Il n'y a plus de barbe. On cherche à ressembler au kuffar. Alors qu'à l'époque de l'imam Malik, par exemple, une personne qui n'avait pas de barbe, on le considérait comme un efféminé, un pervers, comme à certaines époques des salafs. Aujourd'hui, les gens, ils appellent ça plutôt, comme ils disent, un beau gosse. Il se rase sa barbe, il y en a même qui vont jusqu'à s'épiler les sourcils chez des gens qui se prétendent être des hommes. Wallah al-musta'an. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut lui ressembler. Si tu préfères ressembler aux mécréants, pose-toi des questions, car c'est une contradiction évidente. Mais attention aussi, certains, on a l'apparence de la sunna, mais on n'a pas le comportement qui doit l'accompagner. Certains frères, on a des grosses barbes, certaines sœurs, elles ont des niqabs, mais au niveau du comportement, zéro. Donc, il ne faut pas accentuer sur la sunna extérieure et oublier le bon comportement. Comme il ne faut pas prétendre aussi soi-disant avoir un bon comportement et délaisser les sunnas et les obligations. Comme certaines personnes te disent, je ne porte pas le voile, mais je suis plus pieuse ou plus chaste que certaines sœurs qui portent le voile. C'est pas une excuse ça. Allah est ordonné de porter le voile, porte le voile. Et ton comportement est aussi ordonné de l'avoir, alors aie un bon comportement. Mais viens pas nous dire, moi, je n'ai pas la barbe ou moi, je n'ai pas le voile, mais je suis mieux que ceux qui ont la barbe ou qui ont le voile. Ça, c'est une fausse prétention, c'est encore un mensonge. Et Allah Azza wa Jal vous jugera et vous dévoilera le jour du jugement dernier. Car même si ceci peut être une réalité, que tu as un bon comportement mieux qu'un barbu ou mieux qu'une femme voilée, ça n'empêche pas que Allah subhanahu wa ta'ala va te questionner sur les obligations que tu as délaissées. Donc tout ça pour dire que nous, on doit tout prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas se faire un islam à la carte, où nous-mêmes on fait le menu. Moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, ça j'aime pas, ça je verrai plus tard, etc. etc. Car ce n'est pas du tout ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Allah il nous dit quoi ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit et craignez Allah, car Allah, il est dur en punition. Et aujourd'hui, on voit bien cette démarcation entre ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons et les autres qui sont en train de se noyer. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait mis en garde. Il nous avait donné la solution quand il dit « Ma communauté va se diviser en 73 parties. Toutes sont en enfer, en dehors d'une seule. » Les compagnons lui ont posé la question « Quelle est-elle au messager d'Allah ?» Il répondit « Ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. » C'est-à-dire clairement que si tu veux pas faire partie des groupes qui vont finir en enfer, il faut que tu suives la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voix et celle des compagnons. T'as pas le choix. Il nous a également enseigné quelle est la solution en période de fitna. Lorsqu'il dit « Certes, celui parmi vous qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Donc, accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-y-vous fermement. » Littéralement, il a dit « Mordez-y à pleines dents. » Et ce hadith, il est sahih, il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Aujourd'hui, on voit des gens, beaucoup de jeunes aussi, qui nous disent « Il y a trop de groupes, je ne sais plus quoi faire, il y a trop de fitan, je préfère m'écarter, etc. etc. » Pourtant, le monde tel qu'il est aujourd'hui, au contraire, il est bien clair. T'as un état islamique d'un côté, qui gouverne par la sharia, comme l'ordonne le Coran, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, où les injonctions de l'islam sont respectées, où le bien est ordonné, le mal est interdit, où des circulaires et même des prospectus sont distribués à la population avec tout ce que les gens ont besoin dans leur religion, au niveau de la aqida, au niveau du fiqh, pour les inciter à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des prospectus également qui expliquent le pourquoi des peines corporelles telles que la lapidation, telles que couper la main du voleur, etc. etc. Tout ça dans les magasins, afin que les gens y comprennent leur religion et qu'ils comprennent la sagesse qui se cache derrière la loi d'Allah Azza wa Jal. En plus de tout cela, cet état, il est gouverné par un imam juste, un calife, qui réunit en lui toutes les conditions obligatoires et même préférables que doit requérir le calife. Un état qui combat les nations du monde entier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, où il dit « Il s'en faut peu que toutes les nations se liguent contre vous comme des mangeurs autour d'un plat. » Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? En vérité, rien. Ils préfèrent écouter les rumeurs ou la manière dont les mécréants décrivent l'État islamique dans leurs médias. Subhanallah. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit quoi dans Sourate les appartements, Al-Hujurat? « Ya ayyuhalladhina amanu » إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Ô vous qui avez cru. Ce verset s'adresse aux croyants. Qu'est-ce qu'il leur ordonne? Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. C'est-à-dire vérifiez bien. Pourquoi? أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc vérifiez bien, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Allah, il nous demande quoi? De vérifier, de bien voir clair si un pervers, ça peut être un musulman, juste qui fait un péché, même un musulman qui a rasé sa barbe, comme à l'époque des salafs, un pervers, il t'apporte une nouvelle, il est musulman. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de bien vérifier. Mais qu'en est-il du mécréant? Et de surcroît, des médias mécréants qui sont les pires ennemis de l'islam et dépensent tous les moyens qu'ils possèdent pour éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, tu vas les écouter, tu vas les croire, sans même vérifier. Tu bois tout ce qu'ils disent. Et si on te dit, qu'est-ce que tu penses des muwahhidin, des monothéistes, de l'État islamique, tu nous dis quoi? Ce sont des khawarij, ce sont des tueurs d'enfants, ce sont des, etc., etc. Pourquoi, quand tu lui dis, t'as vu ça où, il te dit quoi? J'ai vu ça dans les médias. A'oudhu billah, ittaqullah. Pour revenir à ceux qui savent plus quoi faire en période de fitna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vous a pas laissé comme ça, même plus de 1400 ans après. Il avait déjà enseigné à ses compagnons et à sa communauté comment se comporter face aux différents troubles qui vont venir à la fin des temps. Lorsqu'il a répondu à Hudhayfa, dans le hadith bien connu rapporté par Al-Bukhari, où Hudhayfa nous dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة nous dit, les gens y questionnaient le prophète صلى الله عليه وسلم par rapport au bien. Quant à moi, je le questionnais par rapport au mal de crainte qu'il ne m'atteigne. Donc le hadith, il est un peu long et je vais le résumer. Le prophète صلى الله عليه وسلم, à chaque fois que حذيفة lui dit, et après ce mal, est-ce qu'il y aura un autre mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait « Oui, ô Hudhayfa ». Il lui a dit « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Première chose, il lui a dit « Apprenez le livre d'Allah et suivez ce qui s'y trouve ». Hudhayfa dit « J'ai demandé quelle est la voie pour se protéger de cela ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu quoi? L'épée. L'épée, subhanallah, el jihad. Et Qatada, rahimahullah, il nous le dit, par rapport à cette parole, cela fait référence au groupe qui est devenu apostat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le califat d'Abu Bakr. C'est-à-dire qu'Abu Bakr, quand les gens ils ont refusé de payer la zakat, qu'ils ont combattu pour cela et qu'ils ont apostasié, Abu Bakr les a combattus. Il a tué les murtaddin, il a tué les apostats. Et aujourd'hui, quand l'État islamique prend l'épée, prend les armes, fait le djihad pour combattre les apostats qui ont apostasié la religion d'Allah, on nous dit, il tue les musulmans. Ittaqullah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une autre fitna, des gouverneurs suivant des voies autres que ma sunna et guidant par autre que ma guidée. Vous approuverez certaines de leurs actions et en désapprouverez d'autres. Apparaîtront parmi eux des hommes dont les cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'humains. On ne va pas s'étendre sur ce point, mais je vous laisse regarder les gouverneurs arabes d'aujourd'hui. Ensuite, il parle encore d'une nouvelle fitna qui va venir après. Il nous dit quoi? Oui, il y aura une fitna aveugle et sourde, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Quiconque répond à leur appel, ils s'y jettent. C'est-à-dire, quiconque répond à ces savants, il va en enfer. Et tu nous vois des gens aujourd'hui, on ne va pas citer les groupes, ils suivent aveuglément leurs savants en délaissant le Coran et la Sunna, et il te dit, nous, on revient aux savants, nous, on suit les savants. Eh bien, allez-y. Si c'est des savants égarés, allez-y les suivre jusqu'à ce qu'ils vous jettent avec eux en enfer. Mais le point du hadith sur lequel je voulais accentuer, justement, c'est quoi? Ô toi, mon frère, qui me dis aujourd'hui, je ne sais plus ce que je dois faire. Eh bien, regarde la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à Hudhayfa, qui lui a demandé, que me commandes-tu si cela arrive alors que je vis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu trouves en ce temps un calife d'Allah sur terre, alors accroche-toi à la jama'a des musulmans et leur imam. Écoute le dirigeant et obéis-lui, même s'il fouette ton dos et emporte tes richesses, écoute et obéis. Billahi alaykum. Est-ce qu'il y a plus clair que ce que je viens de citer? Ô toi qui prétends qu'il ne sait pas quoi faire, maintenant que tu as écouté ce hadith, crains Allah azzawajal. Il y a un état islamique avec un calife qui juge avec les lois d'Allah. Et subhanallah, nous on habite ici, et je peux vous garantir que ni on nous frappe le dos, ni on nous prend nos biens, bien au contraire. Et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'écouter et d'obéir. Subhanallah. Mais ils font quoi les gens de ces ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui? Le prophète, il te dit, obéis, même si on frappe ton dos et on prend tes biens. Et tu vois les gens aujourd'hui, ils nous disent quoi? Moi, je vais pas faire serment d'allégeance à Al-Baghdadi, parce que quand il est monté sur le minbar pour la khutba, il avait une montre Rolex. Oh, la bonne blague. Bon, même si c'était une montre Fajr, mais même si c'était une montre Rolex. Alors pour ça, tu lui obéis pas? Pour ça, tu fais pas bay'a? Pour ça, tu fais pas la hijra? Pour ça, tu vas pas défendre la religion d'Allah Azzawajal? D'autres, ils nous disent quoi? Ouais, c'est des khawarij. Sans savoir ce que c'est la réalité des khawarij, ils ne font que répéter comme des ignorants. Et j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à des personnes qu'il faut surtout pas oublier, à ces gens qui ont quitté l'État islamique, en venant avec maintes et maintes excuses. Il y avait des injustices. Il y avait des injustices, ah bon? Dis-moi, on t'a frappé ton dos et on t'a pris tes biens? Non. Et même si c'était le cas, tu devais faire quoi? Rentrer en terre de mécréance? Retourner dans une terre où on juge pas avec la charia? Où on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où tu n'es même pas à l'abri de tomber dans la mécréance ou alors de voir tes enfants tomber dans la mécréance? Tu penses vraiment que c'est le bon choix que t'as fait? Ne te mens pas à toi-même. Et ne mens pas aux gens en allant faire des témoignages de lâches dans les livres de certains journalistes qui vous ont utilisé afin de bien gagner leur vie. Ils vous ont piégé, ils vous ont utilisé, et maintenant vous êtes la risée de tout le monde. Et pour certains d'entre vous, on vous a enlevé vos enfants. Pour certains d'entre vous, vous êtes en prison, humiliés. On vous met tout nu avant d'aller au parloir. Pourquoi? Parce qu'il y avait soi-disant des injustices. Ittaqullah. Craignez Allah et dites plutôt que vous aviez peur de la mort et que vous êtes venu vouloir faire le djihad parce que c'était une mode, mais que vous n'aviez pas pris l'ampleur, vous n'aviez pas compris l'ampleur de ce qu'exigeait le djihad comme sacrifice et secondo, et surtout le plus important, que le tawhid et la aqidah n'étaient pas du tout ancrés dans vos cœurs. Voilà, alhamdoulilah, il fallait leur dédier un petit passage et nous demandons à Allah Azzawajal de guider l'ensemble et de les remettre sur la voie droite. Pour revenir un peu aux compagnons, regarde l'amour que les compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Ibn Omar par exemple, il marchait sur les traces que laissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est passé sous un arbre. Il y avait une branche. Le prophète, pour passer sous la branche, il a baissé sa tête, pour l'éviter. Puis un jour, Ibn Omar, il passa au même endroit. Et l'arbre, il avait été coupé, il n'était plus là. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé sa tête, comme pour éviter la branche, tout ça pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il l'aimait. Subhanallah. Tellement il l'aimait, il faisait des choses qui sont ni obligatoires ni rien. Alors que les gens aujourd'hui, ils prétendent l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne font même pas les choses obligatoires, ni même recommandées. Wallahu al-musta'an. Donc voilà, pour conclure avec ce troisième point, étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va te permettre de comprendre aussi comment les compagnons, ils ont vécu autour de lui. Comment ils l'ont aimé, comment ils l'ont vénéré, et comment ils l'ont pris pour modèle absolu, et comment grâce à tout ceci, ils ont pu s'attirer la satisfaction de leur Seigneur, qui dit à leur sujet, « Radiallahu anhum wa radu an. » Allah, il est satisfait d'eux, et eux, ils sont satisfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si on veut la satisfaction d'Allah, voici nos modèles dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je termine sur ceci, et la louange est à Allah, Seigneur de l'univers.